suis l'oiseau. Tu es l'oiseau ? Je suis la flèche empennée des plumes de l'oiseau. Je vole. Tu voles. Je vogue. Tu vogues. Nous voguons entre les mâchoires du ciel et de la terre. Jean ! Je plie, je coule, je m'appuie sur les coups que l'on me porte, je gratte, j'obstrue, j'obnubile, je fais rétrograder la marche des vivants. Et toi, qui en misère a abondance, et toi, par ta soif, du moins tu es soleil, épervier de ta faiblesse, domine. Ton égout traverse la royale demeure. 6000 lames de mots tu as en ta bouche. Faible, dis-tu. Qui est faible ? Traversant les quatre mondes, de girafe. Je suis le guerrier parachuté. Je suis l'oreille quand il y a du bruit. Je trompe, je traverse. Je n'ai pas de nom. Mon nom est de gaspiller les noms. suis le vent en le vent. Je suis celui qui enfanta les dieux. Dans mon bassin, ils ont été créés. De mon bassin, ils ont été chassés. Je ruine. Je démets. Je disloque. M'écoutant, le fils arrache les testicules du père. Je dégrade, je renverse, je renverse. La tête dans ses tarots, mes chiens dévorent la carte ancienne. Je renverse, je rends. Thank you.